C'est plus du rap, Hugo, c'est de l'art. Tripote-moi les couilles et t'auras du lait. Toi t'es ces rappeurs, tu suces pour les lots. J'kiffe la tessie, mes douilles sont précises. Comme bénéfice fonctionné, on tragale et on fait passe-passe. Là j'fais mon chemin pendant que j'émise. Les encourager, j'y compterai jamais. Parce que pour un gène, ils diront j'ai mal. Tout bas écarté, ils trouvent pas qu'un gênant. J'kiffe la tessie, mes douilles sont précises. Comme bénéfice fonctionné, on tragale et on fait passe-passe. Big rap tout, la paix. Le pilot, la seule, big rap tout, la peur, le pilot, la seule, big rap tout, la peur, le pilot, la seule, big rap tout, la peur, le pilot, la seule. À la négro, si t'as mal zippé, c'est des grands tontons qui viendront chipper. Nous pour digiter, on va te shooter, on est grave chez tout comme les chétanes. Oh Satan, nous ce qu'on kiffe c'est les caquins. Oh Satan, nous dans la débauche y'a des coquins. Eux ils font de la